ambassadeur. Vendredi 22 mai 2015, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un instant, le dernier épisode de notre série avec Edgar Morin, les fantômes du cinéma. Et en deuxième partie, l'actualité de la bande dessinée comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, avec le dessinateur Edmond Baudouin et le mathématicien Cédric Villani, nous parlerons de d'autres fantômes, des rêveurs lunaire. Nous avons un rendez-vous au bar des vedettes. Mesdames, Marlon Brando vous attend en compagnie de Léon Zitrone. Bien, maintenant, au bar des vedettes, nous avons l'une des plus grandes vedettes du monde. J'ai nommé Marlon Brando. Marlon Brando, merci de venir parmi nous. Vous parlez français, je crois. Oui, je parle français un peu. Et ça où marche? Appris? Oui, ça marche. Ah bon, ça très marche. Bien. Où l'avez-vous appris? Le français, partout. J'ai beaucoup d'amis français en Amérique, ici. Tout le monde, je ne peux pas respirer oui, parce que j'ai fini faire les autres greffes avec toutes les... Oui, et je suppose que l'on se vous est arraché, comme l'on dit. Oui, le national français, c'est très fort. Oui, n'est-ce pas? Seulement. Mais vous savez, c'est quand on aime bien quelqu'un, on l'attaque beaucoup. J'ai chance pour avoir mes pantalons, mes chemises. Bah, j'ai perdu mon complet. Vous avez perdu votre veston? Si quelqu'un voit le veston de Marlon Brando, s'il vous plaît, rendez-le à la télévision. Ah bon. Les fantômes du cinéma, une série avec le sociologue Edgar Morin. Je rappelle que vous pouvez voir un documentaire en ce moment au cinéma, Edgar Morin, chronique d'un regard, et que Les Stars, le livre d'Edgar Morin, publié en 1957, est réédité dans la collection Point du Seuil. Bonjour Edgar Morin. Bonjour. Aujourd'hui, si je vous demandais de me donner 5 noms de stars pour qui vous continuez à avoir une vénération. Mais non, le mot de vénération n'est plus de mise maintenant. C'est pour quel j'ai une attraction, une empathie, une sympathie, une ferveur, un plaisir à regarder, parfois même un désir de rencontrer. Mais non, alors... vous voulez cinq noms de stars. Commençons par James Dean, puisqu'il y a un très beau texte que vous avez écrit sur James Dean. Donc ça veut dire que ce personnage vous a fasciné. Mais est-ce le comédien? Est-ce le produit hollywoodien? Ou est-ce la tragédie de l'homme qui a stoppé sa carrière au cinéma? Non, d'abord, c'est que James Dean... et Marlon Brando, jeune, sont les premiers héros de l'adolescence dans le cinéma. C'est-à-dire, ils incarnent les aspirations, les désirs, la recherche du risque de l'adolescence, les aspirations. Alors, donc, James Dean... Encore plus que Marlon Brando, parce que Marlon Brando, dans L'Équipée Sauvage, c'était un chef de bande de motards, n'est-ce pas? C'était beaucoup plus l'aspect révolté. Alors que James Dean, c'est aussi bien la révolte que l'aspiration à une plénitude de vie. Et c'est ça qui a marqué quelque chose qui, à la fin des années 50, va faire naître l'apparition sur la scène sociale d'une classe d'âge adolescente. Parce que d'habitude, enfin jusqu'à présent, l'adolescence n'existait pas. On était enfant, ou bien on travaillait très tôt, donc un travail d'adulte, ou bien on était étudiant. Mais je veux dire que cet âge intermédiaire où on est entre le cocon de l'enfance et on n'est pas encore intégré dans la société adulte, qui s'est beaucoup étendue dans notre société, eh bien les adolescents sont apparus avec leur aspiration propre, et notamment à travers, d'un côté, le rock américain et ce qu'on appelait les copains ici, c'est-à-dire des chanteurs, mais pas seulement des chanteurs, il y a tout un ensemble, des costumes communs, des rites communs, des façons de s'habiller en commun, enfin il y a toute une panoplie de l'adolescence, un vocabulaire commun, une musique commune, et par ailleurs, vous avez eu chez les étudiants, à commencer par à Berkeley aux États-Unis, et puis après en 68 un peu partout, une sorte de d'éruption adolescente qui exprimait à la fois une révolte contre la société, une aspiration à un autre monde. Donc, si vous voulez, James Dean, pour moi, d'abord, il était extrêmement présent, parce que ce qui est important aussi, c'est la présence d'un personnage. Il exprimait ce héros de l'adolescence, et en tant que tel, il m'a beaucoup intéressé. Alors, il se trouve que, justement, cherchant l'intensité dans la vie, il a trouvé le risque et la mort. Donc, si vous voulez, son destin tragique l'a héroïfié. C'est devenu un héros. Il a suscité alors un culte post-mortem sur sa tombe. Donc, si vous voulez, c'est un personnage très important qui fait la jonction entre deux périodes. Une période où les adolescents n'existent pas, sont noyés, et la période où l'adolescence surgit et devient une force historique. Hey, Toreador. She signals, we head for the edge. And the first man who jumps is a chicken. All right? Judy? Me too. Hmm? May I have some dirt, please? Movie, comme disent les Américains, est né à cette période-là. Edgar Morin, c'est quoi la différence entre un James Dean et un Marlon Brando pour vous? Ben, je veux dire que James Dean d'abord est mort très jeune, alors que le Marlon Brando adolescent a fait une carrière de héros jeune, adulte et vieux. Donc Marlon Brando a fait toute une carrière incarnant des personnages divers. Et pas seulement d'adolescent, parce que déjà dans Le tramway nommé Désir, c'est un personnage un peu trouble, n'est-ce pas, qui apparaît. Non, c'est tout à fait différent. James Dean est lié à l'époque brève et intense de sa vie, alors que Marlon Brando, c'est toute une grande carrière. Alors, vous comparez ces deux comédiens américains plutôt à Jean-Paul Belmondo, qui est arrivé un peu après, et pas à Gérard Philippe, par exemple, qui était plutôt le contemporain de Marlon Brando et de James Dean à leur début. Parce que Gérard Philippe n'a pas été un héros incarnant des adolescents rebelles. Gérard Philippe a été d'abord un acteur de théâtre, qui a joué des pièces de théâtre et qui est devenu un acteur de cinéma jouant des rôles de jeune premier. Ce que je crois, si vous voulez, c'est tout à fait différent. Belmondo dans À bout de souffle, oui, il incarne un adolescent, mais c'est son premier rôle Et aussitôt après, il devient un acteur polymorphe qui acquiert différents types de films. Et dans le fond, la rupture, le changement, la nouveauté a été faite historiquement par James Dean à la fin des années 50. Bon, dès que vous avez un personnage présent, et surtout quand c'est sur un écran et quand c'est en gros plan, vous avez pour beaucoup de gens un phénomène, un lien qui se fait, un lien de sympathie, parfois un lien d'intérêt, parfois un lien érotique, mais vous avez un lien. Et les stars poussent à leur plus haut degré, si vous voulez, ce lien qui peut devenir adoration. Et Patricia est avec vous. Yes, she's over there. Merci. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Est-ce que tu m'accompagnes, Aaron? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où, Monte Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille. Lundi et dimanche, t'es pas à Paris. New York Herald Tribune! Je t'en prends un. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Paris. J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Alors vous êtes en danger? Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia? Et faire quoi là-bas? On verra. Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Paris, Michel. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ou tu descends les Champs? Qu'est-ce que c'est les Champs? Les Champs-Élysées. Ouais, il faut que j'aille à avenue Georges V. Ok, je vous laisse. Allez, remonte avec moi. Jusqu'à la rue, alors. Et pour terminer, Edgar Morin, est-ce que aujourd'hui, en mai 2015, vous continuez à aller voir des films parce qu'il y a, dans la distribution, quelqu'un qui vous attire, une star qui vous intrigue et que vous aimez? Non, pas particulièrement, non. Je vais voir surtout le film, soit pour le réalisateur, soit pour la découverte d'un monde inconnu qui va me faire faire. Donc vous n'êtes plus croyant en ces divinités? Bah écoutez, je vous dis, j'ai été croyant dans mon adolescence et après, j'ai été un consommateur de stars modérés. Merci beaucoup, Edgar Morin. Merci à vous. J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer, les bouts de bois, les vieilles affaires, la beauté d'Ava Gardner. Ça met dans leurs yeux un air de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucit des soirs de verre, les bateaux, les avions de guerre, la beauté d'Ava Gardner. Du monde, filez nos belles enfances blondes, Edith Nylon, les nageuses à l'envers, les odeurs dans les chemins de fer, la beauté d'Ava Gardner. Qui trouve que tout ce qu'on gagne on le perd, qui voudrait changer le sens des rivières, retrouver dans la lumière la beauté d'Ava Gardner, retrouver les choses premières, la beauté d'Ava Gardner. Un autre jour est possible par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Bonjour Edmond Baudouin, bonjour Cédric Villani. Bonjour. Vous n'êtes pas à Cannes, tant mieux, ça change un peu. Quoique Edmond Baudouin n'habite pas très loin, mais je sais pas. Mais généralement, il s'arrange pour ne pas rester là-bas pendant le festival, non? Non, je ne suis... Non, je ne crois pas que je sois jamais allé au festival. Moi, je ne suis jamais allé non plus, mais... Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, hein, Cédric Villani. Oh là là, qu'est-ce que vous entendez par là, Toufik Hakem? Votre beau costume, votre manière de vous habiller, vous pouvez faire la montée des marches, rentrer dans toutes les fêtes, et en plus, maintenant, on vous connaît, hein, Cédric Villani. Et séduire les belles actrices, oui, bien sûr. Bah, vous avez le temps aussi pour voilà. Vivre. Les rêveurs lunaires, quatre génies qui ont changé l'histoire, c'est une manière de parler aussi bien de la science, de l'histoire, du rapport qu'entretiennent les scientifiques avec les militaires, et c'est aussi une manière pour vous, Cédric Villani, de rendre hommage à la bande dessinée, puisque vous avez décidé que cette histoire allait être racontée en bande dessinée, et avec un grand dessinateur, Edmond Baudouin, qui est en train de dresser son autoportrait et le vôtre pour répondre à la demande de l'émission « L'autre jour est possible ». Comment est né ce désir de raconter ces quatre destins qui ont marqué aussi bien la science que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Alors, je dirais que d'abord, il y avait cette volonté de rendre hommage à certains d'entre eux, et ça a commencé avec l'idée que pour 2012, le centenaire de la naissance d'Alan Turing, il fallait aussi un hommage dessiné. Et puis, ça aboutit à une réflexion plus large et un casting, si je puis dire, plus large de personnalités mises en scène, toutes représentatives, effectivement, des rapports, parfois conflictuels, entre le scientifique et la société, et entre le scientifique et lui-même. Les états d'âme, la difficile gestation de l'innovation, la difficile, lourde responsabilité qu'on peut avoir quand on se lance dans des inventions qui vous échappent. Et l'idée de mettre ça en scène d'une façon très émotive, très humaine, il me fallait un dessinateur pour donner vie à ce projet avec un trait chargé d'émotions qui puisse suggérer beaucoup. Et tout naturellement, dès le début, je pensais que ce serait Edmond Baudouin le plus adapté pour ce projet. Alors, parlons maintenant de ce que vous appelez, Cédric Villani, un casting. Comment êtes-vous arrivé à ces trois scientifiques et à ce militaire? Parce qu'ils sont quatre, mais il y en a un militaire et trois scientifiques. Oui. Et le militaire partage cela avec les autres, qu'il est associé à une démarche innovative en particulier. C'est lui, Hugh Dowding, qui, par la façon qu'il a d'organiser le développement de l'armement anglais, va faire que les aviateurs anglais de la Seconde Guerre mondiale ont avec eux les fameux Hurricane, des Spitfires, qui sont chacun dans leur genre des avions extrêmement performants, et puis qui va organiser l'intégration du radar dans la chaîne de défense anglaise, qui va même organiser toute la stratégie sur une ligne défensive à une époque où toute l'idéologie militaire, c'est au contraire de privilégier systématiquement l'offensive sur la défensive. Donc un personnage qui, comme les autres scientifiques décrits dans l'ouvrage, un personnage qui est très intelligent, très rêveur, qui n'accepte pas les idées reçues, les idées dominantes, et qui est très original, avec un dédain des conventions, et qui contribue lui aussi à changer de manière radicale le tour que prend la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour Hugh Dowding. Et s'il fallait parler des trois savants? Les trois savants ont été impliqués, deux d'entre eux ont été impliqués dans le programme nucléaire. L'un du côté allemand, c'était Heisenberg, le père de la mécanique quantique. Werner Heisenberg. Et lui échoue complètement, tandis que de l'autre côté, nous avons Léo Szilard, un juif hongrois déraciné, un personnage très original et toujours voyageur, partout errant. Heisenberg est très casanier, très allemand dans son cœur, alors que Szilard est un citoyen du monde qui n'a jamais de domicile fixe. Et Szilard allume la mèche, l'étincelle qui va mener au projet Manhattan. Léo Szilard, ouais. Et puis le dernier, c'est Alan Turing, celui qui sera sans doute le plus familier des lecteurs parmi les quatre, parce que son histoire fait maintenant l'objet d'une grande production hollywoodienne que j'ai pas appréciée outre mesure, mais qui a permis à beaucoup de spectateurs de devenir plus familiers avec ce mathématicien, l'un des plus importants du XXe siècle, à la fois pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale, pour avoir aidé, pour avoir donné des contributions décisives dans le problème du déchiffrage des codes secrets allemands, et puis en tant que l'un des pères, sinon le père de l'informatique moderne. Est-ce que pour vous, la question philosophique de base était que faire lorsqu'on est scientifique et qu'on vit dans un environnement de guerre ? C'était une des questions avec l'idée, qui est un paradoxe et un problème avec lequel toute l'humanité doit vivre, que les guerres sont à la fois des périodes de désolation et de cataclysme et des périodes d'accélération du progrès dans beaucoup de composantes. Beaucoup de choses avec lesquelles dont nous sommes habitués ont été à un moment ou à un autre, ont vu leur histoire transformée par la guerre, et la guerre joue aussi un rôle fondamental dans la construction des nations elles-mêmes. Donc la guerre a ce rôle à la fois calamiteux et à la fois constructif. Et constructif aussi. Constructif aussi. Et il faut faire avec ce paradoxe. Et il faut faire avec ce paradoxe. Et la mathématique, qui est une technologie comme les autres, a été dans tous les temps employée. Elle fait partie aussi de toutes les choses qui ont été détournées, utilisées pour faire la guerre. Alan Turing lui-même n'avait aucune conscience politique. Ce qui l'intéressait, c'était le problème mathématique. Mais il s'est retrouvé que son travail a été fondamental dans la victoire des Alliés. Heisenberg, lui aussi, se retrouve complètement dépassé par les questions politiques. Encore au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas s'il a vraiment voulu construire la bombe atomique qui aurait pu peut-être sauver le Reich du désastre, ou si, comme le prétendent certains, il a sciemment saboté le projet, ou s'il a été paralysé par la trop grande responsabilité qu'il avait derrière, qui l'empêchait de se concentrer. C'est plus ou moins la thèse que nous avons reprise. Mais en tout cas, vous avez ces personnages complètement dépassés par les implications politiques de leur action scientifique. Et de l'autre côté, vous avez Léo Szilard, lui, avec une conscience politique extrême, qui sait très bien ce qu'il fait et qui veut lancer tous les moyens en œuvre pour combattre le régime nazi qui l'a obligé à fuir, et finalement il va réussir à mettre en œuvre une machine énorme, puisque plus de 100 000 personnes à la fin qui travaillent dans le projet Manhattan qu'il initie. Quatre génies qui ont changé l'histoire, c'est le sous-titre des Rêveurs lunaires, édité par Gallimard et Grasset, et l'idée originale de cette bande dessinée, c'est que cette histoire que vous venez de raconter, Cédric Villani, avec brio, elle n'est pas retransmise interprétée d'une manière classique dans une bande dessinée avec des faits, un historique, une chronologie, pas du tout. C'est Edmond Baudouin qui joue le rôle de celui qui reçoit pour la première fois cette histoire, qui digère cette histoire, qui se met lui-même en scène en train d'essayer de raconter cette histoire qui vous tient tant à cœur, Cédric Villani. Donc, ce qui nous permet d'avoir quelques pages magnifiques où on voit Edmond Baudouin se poser de drôles de questions dans celle-ci. Si on m'avait dit que je dessinerais un jour les états d'âme d'un militaire anglais sur les conseils d'un mathématicien français, mais c'était l'idée du départ, c'était tout de suite, je ne vais quand même pas raconter ces histoires-là à la manière hollywoodienne d'une manière classique, je vais raconter aussi l'œuvre, cette rencontre avec Cédric Villani et l'œuvre en train de se faire. C'était important pour moi parce que je me mets toujours en scène dans tous les livres, bon, d'accord. Mais il y avait aussi que cette histoire qui se passe entre 1940 et 1945, en vérité en 1920 ça commence pour Szilard et les autres. Mais c'était important aussi de nous mettre en situation avec Cédric Villani, et parce que cette histoire, elle est aussi actuelle. C'était une manière de la mettre dans l'actualité d'aujourd'hui. Nous vivons ce que ces gens ont fait. Nous vivons le résultat de cette guerre. Et les problèmes de ces scientifiques sont encore les problèmes des scientifiques d'aujourd'hui, qui se posent des questions sur des questions, oui, fondamentales. Où est-ce que vont les ordinateurs aujourd'hui? Où est-ce que va l'atome aujourd'hui? Où est-ce que le réchauffement climatique? Ce sont des questions que énormément de scientifiques se posent. Et souvent, se posant ces questions, ils sont en contradiction, ou en but, ou en opposition avec les gouvernements dans lesquels ils sont aussi. Comme l'était Szilard, comme l'était Turing, comme l'était Downing, ce militaire, comme l'était Heisenberg. Et j'étais, au fond, comme un metteur en scène, avec un scénariste, parce que effectivement Cédric Villani est un excellent conteur, mais est-ce que vous pouvez dire, Edmond Baudouin, que j'ai travaillé avec Cédric Villani comme si c'était un scénariste? J'ai pas l'impression que non, c'était classique, pas du tout. C'était tout non, à fait, ouais. Non, pas du tout comme un scénariste. Véritablement, tous les jours, je lui envoyais les scans, c'est comme ça que ça s'appelle, et il était souvent de l'autre côté de la planète, et lui entre me renvoyait me renvoyait, on travaillait véritablement ensemble, me renvoyait des anecdotes, des petites questions que je pouvais rajouter dans le dessin, ou des trucs, oh mais si on va là, mais si on va là. Il faut voir la tête de Cédric Villani, comment ça fonctionne quand on travaille avec lui, hein. C'est des étincelles tout le temps. Et moi aussi, je jouais là-dessus comme un gamin aussi. Et donc, il y avait une espèce de, comme, je dis pas deux enfants, mais comme deux personnes qui sont sur un problème, un sujet, et qu'il faut que ça parle le mieux possible. Mais vous, dans un rôle un peu extérieur, parce que vous allez mettre en scène cette histoire, alors que Cédric Villani, on a l'impression que vous avez interprété les quatre rôles de votre histoire. On a l'impression que vous avez vécu la psychologie. Il y a beaucoup de ça, effectivement. Alors d'abord, j'ajouterais que cette façon de faire a été rendue possible seulement parce que Edmond Baudouin, il dessine à une allure incroyable. L'idée, quand on lui redonne une idée, on lui suggère une modification, et le lendemain, ou quelques dans les heures qui suivent, on a la modification et tout cela dessiné de manière magistrale. Avec énormément d'intuition et d'empathie sur la façon de dessiner les choses. Et alors effectivement, je me suis mis dans la tête des quatre l'un après l'autre, avec à chaque fois la lecture de biographie, des éléments déterminants, et à chaque fois la sympathie qu'on ressent pour ces personnages, et à chaque fois, avant de se lancer dans la mise en dessin d'un chapitre, on passait un moment avec Edmond à faire comme du profilage psychologique. Alors voilà, il faut se mettre dans cette ambiance-là. Turing va être comme un grand enfant, mais en même temps il va prendre les choses avec autodérision, alors que Szilard, lui, énoncera les choses sur un ton plus grave. Dowding, il faut se mettre dans la tête d'un vieillard, et en même temps il regarde les choses avec du recul, et en même temps il est fier de ce qu'il a accompli. Donc à chaque fois on faisait ce profilage. Edmond, en fonction de l'ambiance, décidait de la technique qu'il allait adopter, parce que les quatre chapitres ont été dessinés dans des ambiances différentes et même avec des outils différents. Et comme ça, on a pu travailler avec forme et fond qui se répondaient. Merci beaucoup Cédric Villani, merci de votre fidélité, Edmond Baudouin. Merci. C'était Un autre jour est possible, on se retrouve lundi, passez un excellent week-end avec France Culture.